difunto. Salò. Catacomba. Sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, vous écoutez La Dernière Porte à Gauche. Bonjour et bienvenue à l'émission La Dernière Porte à Gauche. Je m'appelle Kiwan et comme d'habitude, tous les mardis à cette heure-là, on va écouter une heure de musique entièrement francophone. Et aujourd'hui, j'ai un bon mélange de nouveautés et de vieux trucs à vous proposer. Dans les dernières semaines, j'avais de la misère un peu à trouver des nouvelles choses intéressantes, mais là, j'ai quand même fait quelques petites découvertes intéressantes. Il va y avoir, entre autres, parmi celles-ci, un groupe en fait que je connaissais déjà, mais que j'avais jamais fait jouer ici à l'émission, J'ai le cancer, qui vont se lancer leur premier album bientôt. Donc, on va en écouter une pièce. C'était assez particulier comme musique. On va en écouter dans l'émission et je vous en reparlerai aussi un petit peu plus en détail. Il va y avoir aussi Jésus les filles, il va y avoir Hôtel Morphée aussi, ça c'est dans les nouveautés du Presque Oui aussi dans le prochain bloc, un groupe dont je vous reparler dans quelques minutes. Pour commencer l'émission, on va écouter une pièce un petit peu plus connue. On va revenir un petit peu dans le plus récent avec Bivouac. Il va y avoir aussi dans les vieux trucs, en fait, il va y avoir du vieux Malajub, il va y avoir Les Goules aussi, un bon vieux classique des Goules que je suis allé chercher assez loin. Ça va faire du bien, ça. Et pour l'instant, on va écouter une pièce, je dirais, intemporelle de Bivouac. On va écouter la pièce L'Appart Gardelé. Vous êtes à La Dernière Porte à Gauche sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. notre histoire. On pense au passé, les yeux crispés. Hey, on s'en mêle, les yeux mouillés. L'appart Gardelet de Bivouac à la dernière porte à gauche. Et puis, le Bivouac, le projet continue toujours, même si changé un peu de forme. Jérôme Gagné, le leader du groupe, continue à faire vivre le projet. Vous pouvez les trouver là, sur MySpace Bivouac, le groupe Bivouac. Et vous allez voir des versions un petit peu plus minimalistes de pièces qui existent déjà, ou des versions, en fait, c'est pas seulement des adaptations, là, c'est vraiment des pièces qui sont transformées un petit peu. Et puis, des nouvelles pièces aussi, mais le son est vraiment plus minimaliste. Et c'est la continuité du projet de Bivouac que Jérôme Gagné continue de faire vivre. Et parlant de musique minimaliste, on va vraiment continuer dans cette voie-là. On va aller entendre le groupe Presque Oui, qui est un groupe français. En fait, c'est dur à décrire, c'est presque malaisant de décrire la forme de ce groupe-là, parce que c'est en fait l'histoire particulière là, de ce groupe-là. C'est que c'était un duo, en fait, à la base, qui était composé, ce duo de Thibaut Defeuvert et Marie-Hélène Picard. Donc, ils ont fait un premier album qui est paru il y a quelques années. Donc, c'était un duo, c'était une musique qui était pas si minimaliste, qui était de la chanson française. Mais ce qui est arrivé entre-temps, c'est que Marie-Hélène Picard, et je sais pas exactement quelle était la proximité entre les deux, mais Marie-Hélène Picard est décédée entre-temps d'un cancer, et Thibaut Defeuvert a décidé de continuer le projet, mais seul. Donc le projet s'appelle toujours Presque Oui, et il a sorti un album la semaine dernière. En fait, l'album est sorti, je ne sais pas s'il est disponible en fait au Canada, ou si c'est seulement sorti en France, parce que le groupe est français, je ne sais pas si je l'avais dit. Mais c'est quand même assez particulier. Le groupe est un duo, donc il y a déjà une proximité qui est très intense dans un duo comparé à un groupe à 5 ou à 6. Et puis là, le groupe perd la moitié du groupe finalement. Dans la maladie en plus, donc c'est assez particulier, c'est assez intense, je trouve, comme situation. Donc on va écouter une pièce de ce nouvel album-là qui s'appelle... le nouvel album de Presque Oui s'appelle... Peau Neuve. On va écouter un extrait dans quelques minutes, mais juste avant ça, on va écouter un autre artiste assez minimaliste qui s'appelle Philémon Chante. J'en ai passé quelques reprises ici à l'émission. On va écouter la pièce Vaincre l'automne, c'est des circonstances aujourd'hui. Donc Philémon Chante, et tout de suite après, Le Revenant de Presque Oui. Vous portez attention aux paroles dans la chanson de Presque Oui, qui va être la deuxième qu'on va entendre, Le Revenant. Vous portez attention au thème de la chanson, en pensant à l'histoire du groupe, la mort, la maladie. Vous allez voir, c'est assez intense comme projet, Presque Oui. Mais on commence avec Philémon Chante à la dernière porte à gauche. 1, 3, 4. Seul dans ta chambre, la lumière d'ange, septembre dehors, et dans ta chambre, l'automne est entré. Tu l'as laissé passer, poser ses feuilles sur ton corsage égratigné. Et de page en page, dans tes cahiers, tu m'as compté l'écho des années passées comme otage. Dans ta tête en saccage, démaquillée. Hier, pris dans tes bras pour une seconde, j'ai cru en toi. Pour une seconde,

J'espère que dans tes rêves, tu ne me vois plus mort, que tu as retrouvé mon visage et mon corps. J'espère que dans tes rêves, on s'aime mieux qu'avant, qu'on parle d'avenir et d'avoir un enfant. Je me sens bien, je reste là, j'ai tout mon temps. Ni plus ni moins, je vis ma vie de revenant. Tu ne sens rien quand je t'embrasse tendrement. Mais je t'embrasse, et souviens-toi que je t'attends. Le revenant de Presque Oui. Et avouez que quand on connaît le contexte un peu du duo qui est maintenant solo, avec les paroles, si vous avez écouté un peu le contenu de la chanson, c'est une intimité qui est presque gênante à pénétrer, je trouve. Donc très très touchant, je trouve, ce projet-là. Donc si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller faire un tour sur le presqueoui.com ou sur myspace.com/presqueoui. Presque Oui est en prestation au Québec cette semaine. C'est dans le cadre des coups de cœur francophones. C'est jeudi, le 12 novembre, c'est au Lion d'Or avec Guy-Philippe Wells. Et Philémon Chante, qu'on avait entendu juste avant avec la pièce Vin Cloton, lui aussi fait partie des coups de cœur francophones. Lui, c'est mercredi, le 11 novembre, c'est à la Maison de la Culture, Maisonneuve. Vous aurez compris que c'est tout à Montréal que ça se passe. On va continuer en musique avec un autre groupe que j'ai découvert cette semaine. En fait, j'avais déjà entendu parler du projet qui... En fait, je les avais manqués en première partie d'un spectacle que j'avais été voir. Donc, j'avais entendu le nom. Je savais un peu que ça pouvait m'intéresser à cause du programme principal que j'avais beaucoup aimé. Il me semble que c'était The Darling Demise, si je me trompe pas. Et puis... c'est ça, on a reçu l'album. L'album a l'air d'être tout neuf. Le groupe s'appelle Hôtel Morphée. Et puis, on va écouter la pièce Super Héros. C'est cinq musiciens, en fait. Hôtel Morphée, c'est cinq musiciens qui ont un bagage et qui ont des formations en musique classique et qui ont décidé de faire quelque chose d'un peu plus... pop, un peu plus accessible, mais quand même, vous allez voir, c'est imprégné de musique classique et c'est vraiment de très bons musiciens. Ils sont cinq, ça s'appelle Hôtel Morphée. Et on écoute Super Héros tout de suite à la dernière porte à gauche. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da

Bernard Adamus et la question à 100$. Il y a vraiment beaucoup de pièces sur cet album-là qui sont très bonnes et que je veux vous faire écouter à chaque fois que je décide d'en faire jouer à l'émission, c'est-à-dire presque à chaque semaine depuis un petit bout de temps. Je me dis tout le temps, ah, telle pièce, entre autres Brun, je voudrais la faire entendre. Il y a plein de pièces, en fait, que je voudrais moi-même écouter plus souvent et puis vous faire entendre aussi. Mais à chaque fois que je prends l'album dans mes mains pour en faire jouer à l'émission, je suis incapable de pas faire jouer la question à 100$. J'aime trop cette pièce-là. Et puis en même temps, je pense que je suis mieux d'en profiter. Je me suis dit aujourd'hui, je vais la passer parce que je vais en profiter parce que souvent, ces pièces-là qu'on aime passionnément comme ça, souvent, ça dure pas très longtemps puis on se tanne assez vite puis souvent même on s'écœure d'écouter trop souvent une pièce. Donc je vais en profiter tandis que je l'aime encore beaucoup, qu'elle me fait encore de l'effet. Donc j'en ai profité, je voulais passer puis peut-être que ça durera pas encore si longtemps. Puis quand ça sera fini, ben on écoutera d'autres pièces de cet album-là qui vaut la peine d'être écouté, celui de Bernard Adamus Brun. Et je vous rappelle, si vous voulez me laisser des commentaires sur la programmation ou sur la récurrence des pièces qui jouent trop souvent à l'émission, vous pouvez passer soit par le www.cfou.ca, vous allez dans la programmation, vous allez sur la dernière porte à gauche, vous avez un lien pour m'envoyer un courriel, ou sinon vous pouvez aller sur l'assemblagerequis.com, puis toute la liste des pièces qui jouent à l'émission va se retrouver là dans les prochaines heures, ou sinon demain, promis. Et en même temps, vous avez toutes les informations pertinentes des émissions de Mathieu Plante et de moi-même, donc assemblagerequis.com. On va aller faire une petite pause. La première partie de l'émission a été vraiment très tranquille. Ça va changer pour la deuxième partie. Il va y avoir un petit peu plus de rock et de l'électro, des sons un petit peu plus trash dans vos oreilles. C'est ce qui vous attend pour la deuxième partie, la dernière porte à gauche. Donc c'est dans quelques minutes. Restez là. C'est Bouddha. Ton char. 89-1-1-1. Avec le haut enfant. j'étais tout seul, j'étais perdu, j'étais couché là dans le sable, à matin des belles et bronzées. Et puis là, dans mon bas, je l'ai vu et me suis dit, ah, qu'il est beau, qu'il est beau. Le carapace, il a des pattes qui s'étire et de grands yeux d'or, demandez-moi. Et les mecs que j'en ai fait, je l'ai pris, ramené chez moi, puis là, je l'ai montré, puis j'étais enchanté, enchanté. Je l'ai veston, j'ai appris des tours des faisis le beau, faisais le beau sur ses pinces et caille, caille, caille. Camisole peinturée en jaune et en bleu, c'était le plus beau des craveux. Tellement de ciel de dame, moi le gardais dans ma poche. Je voulais pas le montrer, mais tu sais, c'est quand je recevais des invités, c'était plus fort, je le sortais et criais enchanté, enchanté. Des os bras, cadabra, tête de chat et corps de maracou, de plus de pattes, plus de pain, mangeait des bœufs et cherchait milieu à que je l'ai saigné. À coup de porc, pouvais plus le garder, pauvais plus le mettre dans ma veste laine, grosse pepepeine. J'ai pleuré, car je ne pouvais plus hurler. Enchanté, enchanté, je vous présente mon crabe de poche. Les Ghouls avec la pièce Crabe, c'est extrait de leur premier album qui date de 2002 qui s'appelait Les Ghouls tout simplement. Un classique dans mon cas cet album-là des Ghouls. La pièce aussi Crabe, quand même une très bonne pièce que j'aime réécouter souvent. Juste avant les Ghouls, on avait entendu Jésus les filles et la pièce Je t'adore. J'en ai fait passer hier à l'émission Assemblage Requis. En fait, j'ai un peu vendu un punch de l'émission d'aujourd'hui. C'est ça, c'est un groupe que j'ai découvert cette semaine. Jésus les filles, c'est un groupe rock dont certains membres font partie aussi du groupe Le Monde dans le Feu, qui joue de temps en temps ici à l'émission. Et on va justement en entendre dans le prochain bloc, Le Monde dans le Feu, pour faire un lien incroyable à travers tout ça. Donc c'est ça, le groupe Jésus les filles qu'on a entendu tantôt, c'est un artiste, un groupe de l'étiquette de disque méga fiable que j'aime parfois critiquer, mais c'est toujours amicalement, évidemment. Toujours avec beaucoup d'amour que je critique méga fiable, parce que souvent, je trouve que les artistes de méga fiable ont un peu un son formaté à la boîte, et puis que ça manque des fois un peu d'originalité, mais ce groupe-là détonne vraiment parmi la gamme des artistes de méga fiable, et c'est vraiment un très, très bon groupe. Donc, chapeau finalement à méga fiable. Quand il y a des bons trucs qui sortent de méga fiable, il faut que je le dise aussi. Je veux pas. Quand je fais des commentaires sur méga fiable, c'est pas juste pour taper sur eux. Vraiment, cet album-là, un très bon album. En fait, l'album n'est pas sorti, n'est pas concrétisé encore, mais le groupe Jésus les filles travaille avec méga fiable. Donc, tout simplement, voilà, ça va être à surveiller un groupe. Le groupe s'appelle Jésus les filles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va écouter dans le prochain bloc Le Monde dans le Feu.

t'aime, Mescaline. C'est la femme de ma vie. Oublie-moi pas. Oublie-moi pas. Maladresse avec la pièce Les Montagnes. La Maladresse, c'est un groupe de Lévis que vous allez avoir la chance de voir en spectacle ici à Trois-Rivières parce qu'ils vont faire partie de la première édition d'une série de spectacles qui va s'appeler Feu de forêt dans le désert. Ça va se passer à la galerie L'Appart. La première édition va être le 20 novembre, donc ça va être tous les troisième vendredi du mois. Donc, première édition, 20 novembre, c'est avec La Maladresse que vous venez d'entendre et Deep Pass Through the... Et un autre groupe dont je n'ai pas le nom ici sous les yeux. Mais de toute façon, on va vous en reparler assurément de ce spectacle-là, de cette série de spectacles-là. Ici, je vais vous en reparler la semaine prochaine et aussi à l'émission Assemblage requis au courant de la semaine prochaine. On va essayer de recevoir, si c'est possible, les acteurs de cette série de spectacles-là. En tout cas, c'est sûr qu'on vous donne plus de détails. De toute façon, c'est dans deux semaines, c'est le 20 novembre. Donc, on a encore le temps de vous en parler. Soyez sans crainte. Donc, l'émission est terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous le mardi prochain à 17h pour une autre édition de La Dernière Porte à Gauche. Je vous retrouve aussi demain dès 15h pour l'émission Assemblage requis du lundi au jeudi. Visitez le assemblagerequis.com pour tous les renseignements concernant toutes ces émissions-là, toutes ces belles émissions-là. Et on va se laisser avec une pièce de Malajub de leur premier album parce que j'avais dit au début de l'émission que j'avais du vieux stock pour vous. Donc, on va écouter la pièce Les Dents, extrait du premier album de Malajub qui s'appelait Le Compte Complet. Je vous laisse en compagnie de Sébastien Dulude et l'émission Étal Mixte qui s'en vient dans quelques minutes. Et je vous dis bonne soirée. Bye bye. Sourire sincèrement quand y'a personne qui sourit.